Questa è la striscia del Svezia. Eccoci qua, le chiacchiere stanno a zero, erano i Primus, ed ora Lily Refrain. Questa è la striscia del Svezia. Qui a grands pas terrasse les villes et les campagnes, dédicace à tous les combats. C'est bien plus qu'un combat, un souffle que rien n'arrête, que la force nous accompagne. On est partout sur la planète. Regarde ce même ras-le-bol, tu sais, des liens est osé. La première brique est posée, jette ta pierre à l'édifice. L'histoire de l'homme s'est fait trosser, endormi par des trophées. Pachamama assassiné, toujours pour quelques bénéfices. C'est le vice que l'on porte, une décennie qui a haussé le ton. Sortez les marteaux piqueurs qu'on aille défoncer le béton. Opération sabotage comme la Grèce des temps modernes. Boum sur les bandes, boum sur les camps et les antennes. C'est le chant des révoltés que l'ennemi aimerait en mur et vivant. Aucun pays n'est en paix, ne te voile pas la face. Des forêts de terre mère aux forêts de ciment, voici la résistance, les Quetzals contre les rapaces. Je passe le salut aux enfants de la lune. Telle une flamme dans la nuit ou un flambeau qui s'allume. Avançant sous la lune, avançant jusqu'à l'aube. Héritier du passé, petit souffle d'un autre lendemain. Lève ton point si tu es des nôtres. Le combat continue depuis des siècles, siècles pour nous et au nom des mots. Partout sur le globe, tu pourras lire le même ras-le-bol. Le vase rempli à rapport par les néo-conquistadors. Et mener en bateau, on a refusé de monter à bord. Alors on avance en radeau, déterminé comme les Black Blocs. Condamnés à mort parce qu'on fait trembler leurs barbelés. Sociétés apeurées, dressées, je vais pas te faire un dessin. Et diffamé à tort, tout changement fini, écartelé. À l'heure des vaccins piégés avec des puces dans les seringues. Des enfants qui crient j'ai faim. Des milliards et des milliards comme leurs dollars. Alors je rappe comme un explosif au G20. Parce qu'on nous traite comme des chiens, qu'on pliera pas les chiffres, ça fait des siècles qu'on porte des chaînes. Ils veulent nous avoir par les chiffres, mais on a vu, on est venu et on vaincra. C'est toute la vie qui est en lutte depuis que petit homme est ingrat. Parce que la vie est un drame à notre époque. On tiendra parce qu'on est plein, qu'on n'en peut plus. Enfant de la lutte, salam. Salam, salam. Je passe le salut aux enfants de la lutte. Une flamme dans la nuit ou un flambeau qui s'allume. Avançant sous la lune, avançant jusqu'à l'aube. Héritier du passé, petit souffle d'un autre lendemain. Lève ton point si tu es des nôtres. Le combat continue depuis des siècles, siècles pour nous et au nom des mots. La même lutte aux quatre coins, dans chaque ville et patelin. Une âme qui brûle sous chaque point, une injustice à chaque recoin. Tourmenté d'atroquins, tortionnaire qui parle bien. Une pyramide, le pire arrive pour une histoire qui part de loin. Un combat del otro lado de la tierra. Somos uno, el puño levantado, hermano. Somos los hijos del cambio. La madre tierra se muere con los sueños de su niño. Lo mismo a todas partes porque el mismo enemigo, tío. Empezada hace siglo la noble batalla, la vida contra el sistema reasesino. Que le gusta cantar el miedo, no lo escucha. Un saludo a los hijos de la lucha. Fuerza. Je passe le salut aux enfants de la lune. Telle une flamme dans la nuit ou un flambeau qui s'allume. Avançant sous la lune, avançant jusqu'à l'aube. Héritier du passé, petit souffle d'un autre lendemain. Lève ton point si tu es des nôtres. La lucha sigue para nosotros en memoria de los muertos. Era Kenny Arcana e adesso Ministry. We'll be right back. Questa è la striscia del Trezza. Bellissima canzone dei Rammstein suonata dagli Apocalyptica e cantata da Nina Hagen. Ed ora Sister of Mercy, Temple of Love. And the tears he cried will ring on walls as wide as eyes, the lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear my calling. In the temple of watch his move. My guardian angel. cold and strong, but the wind blows stronger, cold and long. In the temple our love will fall before this black wind calls my name to you no more. Radio Forte, Radio Forte.